franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Où allons-nous aujourd'hui, Philippe ? À Lille. À Lille. Alors, je pense toujours au triangle Lille-Roubaix-Tourcoing. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Parce que. D'accord. Eh bien, Lille est un haut lieu de la manufacture, voilà. Avec ses fameuses dentelières et autres brodeuses. Des métiers qui se perdent, malheureusement. Mmh. Et oui, ce savoir-faire artisanal si précieux, pourtant. Mmh. Alors, à qui avons-nous affaire aujourd'hui ? À moi. Bonjour, moi. Je m'appelle Eric, j'ai 47 ans et je suis né à Lille. Mmh. J'ai toujours vécu dans cette ville que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que dans le nord de la France, on a le cœur sur la main. Bonjour Eric. Alors, pourquoi nous appelez-vous Eric ? J'imagine que c'est pas juste pour nous dire que tout va bien et que vous avez le cœur sur la main. Non, je vous appelle parce que je suis au chômage depuis bientôt 3 ans. Mmh. Et j'ai beaucoup de mal à retrouver un travail qui me convienne. J'ai fait tout le parcours habituel pour devenir avocat. Mmh. Je me suis spécialisé dans le droit pénal et notamment les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, mais c'est pas les parents qui savent ce que les enfants ont le droit de faire ou pas. Bah, pas tous. Mmh. Il y a des abus sur certains enfants qui sont des personnes fragiles, en fait. Ouais, ouais. On va vous laisser nos ados un week-end et vous allez voir s'ils sont fragiles. Et donc, j'ai travaillé pendant 17 ans dans un cabinet d'avocat qui malheureusement a fait faillite et je me suis retrouvé sans emploi. Ouais, au chômage. Et oui, et les problèmes de chômage dans le nord de la France ne datent pas d'hier, hein, puisque dès le début du 19e siècle, eh bien, 30% de la population lilloise est considérée déjà comme indigente et aidée par le bureau de bienfaisance. Mmh, et ouais. Oui, mais hein, bon, parce que, eh oui, tout le monde... Ouais, j'ai eu des propositions de travail que j'ai acceptées, mais c'était uniquement des missions ponctuelles. D'ailleurs, ça relevait pas complètement de mes aptitudes réelles. Et, bon, bah, comme on dit, il faut bien manger. Ah oui, c'est important, hein, ça, faut bien manger. J'ai travaillé pour plusieurs cabinets tout en restant demandeur d'emploi. Mais ce qui se passe, c'est que comme j'ai refusé 2 offres d'emploi consécutives, ben, on va me radier. Pourquoi ? Ben, parce que j'ai refusé 2 fois de suite. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a un poste pour lequel il fallait que je quitte ma région et un autre qui était carrément en deçà de mes qualifications. Donc, plus j'ai des difficultés pour trouver un travail, plus je doute de mes capacités. Moi, j'ai d'estime de moi, plus j'ai de haine pour la terre entière. Enfin, et moi, j'avance. J'en dors plus la nuit. Je ressasse tout ça dans ma tête. Je sens que je lâche prise. Là, ça fait peur. Ah oui, oh là là, c'est pas bien du tout. Faut arrêter. Hein. Faut pas être comme ça. Hein. Ah ouais, mais je fais comment ? Eh bien, monsieur, faites-vous prescrire des anxiolytiques et puis des somnifères et vous allez dormir comme un bébé. Voilà, ou alors il faut trouver du travail. D'accord, mais c'est pas moi qui décide des emplois. Je me sens très fragilisé et tributaire des autres. J'ai 47 ans, donc bon, les jeunes avocats intéressent plus. Et quand par chance j'ai un entretien, je renvoie quelque chose de très négatif. Et les deux seuls CDI qu'on m'a proposés, ça ne me convient pas, quoi. Bah oui, mais c'est pas bien. Faut accepter ce qu'on vous offre. Sinon, après, vous le regretterez et ça sera trop tard. Et oui, n'oublions pas que Tom Selleck a refusé le rôle d'Indiana Jones et il s'en mord les doigts. Enfin, là, on m'avait proposé d'être archiviste au tribunal de Lille avec un salaire de moins 60%, donc je pense pas que je vais m'en mordre les doigts. Hein. Ben là, tout de suite, non, mais Tom Selleck, c'est quand le film est sorti et qu'il a vu le succès d'Harrison Ford qui s'en est mordu les doigts. Je suis Bac plus 7 quand même. Oui, ben moi aussi, monsieur. Et ben, si on vous proposait de devenir infirmier ou brancardier avec un salaire de misère parce que vous n'avez pas de travail ? Ça vous paraîtrait acceptable ? Mais il ne s'agit pas de moi, monsieur. Et ensuite, il ne faut pas avoir de mépris pour les gens de peu. Alors, c'était quoi le problème avec l'emploi qui était loin de chez vous ? Bah, il était loin de chez moi. Oui. Donc, on aurait dû déménager et ma femme aurait dû quitter son travail, donc ça aurait été absurde. Ah oui. D'accord. Donc là, en ce moment, c'est madame qui... Ouais. Mais dites-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous avez refusé 2 offres d'emploi et on vous a radié. Bah ouais. Ça, c'est insensé, quand même. Ça. 7 ans d'études et on vous traite... Alors, ils ont le droit de faire ça ? Oui, ils ont le droit, c'est la loi, ça. C'est horrible. Donc, en fait, vous êtes obligé d'accepter un travail qui ne vous convient pas. Ouais. Sinon, vous êtes radié du barreau ? Ah non, je ne suis pas radié du barreau. Si, vous avez dit, ils m'ont radié. Non, radié des acédiques. Ah, d'accord. Oui, mais ça, oui. C'est normal. Ils sont là pour vous trouver du travail et vous refusez tout ce qu'ils vous proposent. Donc, voilà. J'ai refusé deux choses. Oui, mais pour vous, c'est désagréable de ne pas travailler, mais pour eux, ça ne doit pas être très agréable non plus d'avoir l'impression de travailler pour rien. Donc, en gros, tant pis pour moi. À 47 ans, je ne suis plus en droit d'espérer de retrouver une situation qui me convienne. Mais non, mais attendez, qui a dit ça ? Vous voyez tout en noir aussi. C'est difficile de voir ça autrement. Non seulement ma situation est difficile, mais... Aux ascétiques, au lieu de nous aider, on nous colle un ultimatum et ça nous fout une pression terrible. Bon, alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, Eric, écoutez-moi bien, si cette difficulté récurrente à trouver un emploi ne viendrait pas aussi de vous ? Vous écoutez rien du tout, là, c'est pas possible. Parce que figurez-vous que c'est mon métier d'écouter. Et je pense que, comme vous, nous sommes des gens qualifiés. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à souhaiter du courage à Eric. Beaucoup de courage. Oui, et quand il cherchera le sommeil cette nuit, peut-être repensera-t-il à cet échange, à ce partage que nous avons, partagé. Sous forme de proverbe, j'ai un petit conseil pour vous, Eric, qui nous vient curieusement du Talmud. Tiens. L'ambition détruit son hôte. Aïe. Et oui, attention, c'est bien d'être ambitieux, encore faut-il en avoir les moyens. Cette émission a été mise en onde par Yann Chouquet. Au revoir Philippe. Au revoir Margaret. Au revoir à vous tous. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.